lave san pa lave pase de san akademi. Se metil, se metil mem, sa ou ya. Kiki a lave san pa lave pase de san akademi. Maman kalil, papa kalil, se toujou de mem. Kiki a lave san pa lave pase de san akademi. Chien kabitye manje ze, se ze pou manje. Sans peine pour le bail maman.